J'ai mes propres secrets, mes traumatismes, qu'importe le degré. Excuse-moi si j'ai fait de la méfiance un automatisme. Tel que vous le voyez, j'ai déçu, dois-je encore me sevrer? Si je combats mes démons, c'est que je n'ai pas encore soigné mes blessures. Je connais le goût du sol, je suis fou du môme, les coups du sort, rien à foutre, j'avais bien que j'allais me noyer dès le début. J'aurais beau écrire ou bien faire le tour du globe, fragile je le suis car ma vie est faite de consoles, vous voyez les deux plumes. J'ai mes traumatismes, c'est ce qu'un pote m'a dit. Trop de colère frère, je ne pourrai reprendre tout ce qu'on m'a pris. Parle-moi tes cicatrices, je te dirai d'où tu sors. Tu veux connaître les miennes, elles sont devenues phonographiques. J'ai foncé droit d'éther, porter ma croix je préfère seul. Et je ne pourrai que mieux remonter du fond de l'abîme. La force qu'on puise après avoir perdu trois de ses frères. Je te cause de deuil, de rage, je te cause de micro de ma vie. Colossaux sont nos traumatismes, entre le deuil et les coups du sort. Désormais la méfiance est un automatisme, à force de mordre la poussière on connaît le coup du sol. Colossaux sont nos traumatismes, entre le deuil et les coups du sort. Désormais la méfiance est un automatisme, à force de mordre la poussière on connaît le coup du sol. Mec apparemment je suis plus heureux, j'y m'arrêter non. Ça me rend parano, j'ai peur de rechuter. Je suis prêt à en découdre, pas d'actrice, pleure ma peine, ouais j'ai connu la psychiatrie, chaque cicatrice me le rappelle. Je me lève, j'ai envie de tout plier, j'ai beau nier le béton matrice, j'ai que l'écriture comme bouclier, je veux oublier mes traumatismes, je suis pas dans le vent, je crache ma haine, ma plume éclaire et je donne aux fans. Que j'ai dans le ventre, que ma chaîne, je suis plus déter, crédo nos fans. Et les épreuves insurmontables, j'oublie pas qu'on va caner. Pareil que pour zapper la défaite, suffit d'un combat gagné. Des élections chaque année, mais personne m'a dit j'adore voter, le mal nous attire, les frères sautent, pas de choc, la vie adore loter, mais qu'on a. La corde au cou et je te parle pas de mariage. Et y'en a encore beaucoup mis de côté par Marianne. Cerveau cramé par la hiya, sa chair tu traumatisée. Par la vie traumatisée, en quête d'un chroma brisé. Colossaux sont nos traumatismes, entre le deuil et les coups du sort. Désormais la méfiance est un automatisme, à force de mordre la poussière on connaît le coup du sol. Colossaux sont nos traumatismes, entre le deuil et les coups du sort. Désormais la méfiance est un automatisme, à force de mordre la poussière on connaît le coup du sol. Aucune notion en archéologie, mais je me prépare à tomber sur un os, à voir sombrer plus d'un proche. Mon écriture est toujours aussi sombre, je n'ai pas besoin de tant de choix pour camper sur mes positions. La même rengaine de la crèche à la nécropole. Mon cœur fera office de métronome. L'expérience ne viendra pas sans vieillir. Je regarde le diable me sourire d'un air angélique. Contradictoire, je crache des trucs sales à proprement parler. Du boulot pour tous les brancardiers. Qui sait demain je perdrai la main comme Jamie Lannister. Mon triste sort frappera sans tarder. Je bats la mesure au son de vos messes basses. Je m'efforce d'atteindre mon but en me connaissant que des mauvaises passent. Je ne saurais dire ce qui m'affecte le plus. Moi je suis aveuglé par la haine, sachant qu'elle s'étend à perte de vue. Colossaux sont nos traumatismes, entre le deuil et les coups du sort. Désormais la méfiance est un automatisme, à force de mordre la poussière on connaît le coup du sol. Colossaux sont nos traumatismes, entre le deuil et les coups du sort. Désormais la méfiance est un automatisme, à force de mordre la poussière on connaît le coup du sol.